Noël pour les dauphins aussi, par Claude Fay. Delphine aime les mystères, ceux du jour comme ceux de la nuit. Alors pensez si elle aime Noël. Ce moment où on arrête de vous dire des choses pénibles, où on vous laisse vous émerveiller de ce qui brille comme les étoiles, qu'on a le droit de dessiner partout. Sur la lettre adressée au Père Noël, elle l'a dessinée, car il lui est moins facile d'écrire, un formidable dauphin bleu. Sa bouche est ouverte par un sourire confiant, son corps a la forme d'une virgule, comme Delphine aime en tracer quand une idée va arriver dans sa tête qu'elle transcrit sur le papier. Arrivent les vacances si agréables avec les décorations, les gâteaux à préparer, les frères et sœurs avec qui on joue, et enfin, le matin de Noël, sous le sapin illuminé, juste sur ses petits souliers, se trouve une enveloppe dorée, rien que pour elle. Quelle joie! La précieuse missive contient un billet pour aller avec ses parents voir le spectacle d'un delphinarium. La petite Delphine en pleure de joie. Elle adore les dauphins. Le jour du départ vers le bord de mer n'est pas loin. Heureusement, plus que 5 jours. Nous y voilà, les gradins, le bassin, leurs places sont au premier rang. Une musique, du pop-corn et une animatrice en combinaison, une autre arrive et tout le monde applaudit. À côté de la petite fille, juste entre son père et elle, un petit être est là aussi. C'est une minuscule pieuvre rouge qui se tient fièrement assise avec ses 8 bras. Et voilà qu'elle se penche vers la petite fille et lui demande « Est-ce que ça te gêne que je sois rouge ?»« Oh non !» dit Delphine, qui ajoute avec malice. « Je sais que les animaux ne sont pas assez bêtes pour être racistes. »« C'est bien, me voilà rassurée. Dis-moi encore, tu aimes aussi Eddie ?»« Eddie ? Oui, c'est le dauphin qui doit travailler aujourd'hui. C'est un ami, il compte sur moi. Mais est-ce qu'il peut aussi compter sur toi ?»« Bien sûr, mais compter sur moi, pourquoi faire ?» On rêve de se retrouver, et après, on essayera de prendre le large. Mais pourquoi? Vous n'êtes pas bien ici? Avec tous ces gens qui viennent vous applaudir? Tu aimerais passer toute ta vie dans une baignoire? Après le spectacle, vous ne repartez pas chez vous dans la mer? Eh, tout près, on voit les vagues d'ici, dit la petite en levant le menton. Pas vraiment, on est garé dans un tube, crois-moi, on n'en peut plus, et on n'est pas décidé, ni lui ni moi, à mourir de chagrin. « Je veux bien vous aider, dites-moi juste comment. »« En ce moment, je suis rouge. Dès que je deviens verte, tu m'attrapes et tu me jettes vers Eddie. »« Je veux bien, mais nous sommes au premier rang. Pourquoi ne pas sauter dans l'eau toute seule? Vous pourriez le faire au moment précis que vous voulez. »« Parce qu'on ne t'a rien dit de plus? Dans sa lettre, le Père Noël ne t'a pas dit qui tu étais? »« Ah non. Tu vas le comprendre bientôt. » »« Mais déjà, il faut savoir que ta voix perchée de petite fille, qui peut paraître insupportable à tes maîtres d'école, ici, cette voix si puissante dans les aigus, nous l'attendons depuis longtemps. Elle va nous servir pour... vous libérer? C'est ça, c'est merveilleux. Tu comprends vite, petite princesse. Petite princesse? Oui, princesse Delphine, du cri qui sauve. Voilà la véritable personne que tu es. Mais c'est trop d'honneur. Je ne sais pas si je pourrais. Eddie, et les autres dauphins ont besoin de toi pour repartir dans leur vraie vie. Oui, bien sûr, mais comment vous aider, même si je le veux très fort? Tu vas laisser venir ta colère, comme si c'était une source qui coulait en toi, et, en pensant à l'injustice des prisons dans lesquelles vivent les animaux, tu vas sentir monter un fantastique cri. À ce même moment, tu me jetteras dans le bassin. Ensuite, tu pourras garder ton cri faire tout le travail. Il y aura de la bagarre, mais c'est de ça que naîtra la vraie partie. Delphine, qui se croyait seulement la fille de ses parents, la sœur de ses frères et sœurs, la camarade de ses camarades, se sentit très impressionnée d'être en fait la princesse du cri qui sauve. Mais elle fit confiance à la petite pieuvre et ferma les yeux afin de laisser grimper en elle toute la colère de l'injustice. En pensant au malheureux Eddie et à tous les dauphins qui n'ont pas leur liberté, elle sentit en elle venir un jaillissement cristallin qui, tel un ouragan, brisa toute la logique de l'enfermement. Et c'est ainsi que tout dans ce conte de Noël se passa comme prévu. Eddie et la petite pieuvre purent s'enfuir, vivre leur amour dans le Pacifique. Ce jour-là, les parents de la petite fille avaient eu très peur au moment du charivari. Mais ensuite, ils étaient devenus vraiment très fiers. Comment aurait-il pu penser qu'en se livrant à l'imagination, leur enfant adoré pourrait mener un tel combat pour la nature et la vie des dauphins? Ainsi s'achève Noël pour les dauphins aussi, par Claude Fée.